Le goût et les préoccupations liées à la santé sont parmi les premiers critères qui influencent nos choix d'aliments. Mais à la lumière des enjeux environnementaux actuels, nous devrions également choisir nos aliments en fonction de leur impact sociaux et environnementaux. Donc, ainsi, en faisant des choix de consommation responsable, on peut contribuer à réduire les impacts écologiques, sociaux et économiques qui nuisent à la santé humaine, animale, ainsi qu'à celle de la planète. Alors, pour nous en parler, je reçois Geneviève Ouellette-Saint-Hilaire. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Oui, alors, on parlera ensemble ce soir d'alimentation responsable. C'est une vision de l'alimentation qui est très importante à mes yeux. C'est également une vision aussi qui m'amène une certaine réflexion critique et personnelle de l'acte alimentaire. Donc, j'avais envie d'approfondir le sujet avec vous ce soir. Mm-hmm. Mais au juste, qu'est-ce que c'est que l'alimentation responsable, Geneviève? Oui, en fait, l'alimentation responsable, c'est un concept qui est assez nouveau puis qui a été élaboré par Laure Varidel. Varidel, c'est ça, Laure oui. Varidel. Donc, la cofondatrice d'Équiterre, il y a environ une dizaine d'années, elle proposait à ce moment-là un concept de l'alimentation responsable qui est très facile à retenir, selon moi. Et encore aujourd'hui, soit 10 ans plus tard, ce concept-là est très répandu et peut se résumer aux 3 NJ. OK. Et ça veut dire quoi, en fait, les lettres 3 NJ? En fait, les 3 N et le J? Oui, en fait, les 3 NJ réfèrent aux mots nu, non loin, naturel et juste. Donc, si tu commençais par nous décrire le premier N qui signifie nu. Oui, donc le premier N du concept d'alimentation responsable signifie bel et bien nu et vise globalement à réduire le gaspillage et les déchets qui sont engendrés par la consommation d'aliments. Mm-hmm. Donc, le terme nu réfère à l'achat de produits alimentaires qui sont peu ou pas emballés. Uh-huh. Donc, on parle souvent aux barquettes de fruits ou de légumes qui se trouvent dans des... C'est oui, ça. Effectivement. Des emballages inutiles, par exemple, en vrac, on peut les prendre tout à fait... qui n'ont pas d'emballage, oui. C'est ça, puis ils sont aussi beaux, aussi bons. Hein? Oui, exactement. Mm-hmm. Donc, si l'aliment n'est pas emballé et qu'il est organique, le consommateur est invité à composter finalement les parties qui sont non comestibles. Ah oui, oui. Si le produit est emballé, le consommateur est invité à choisir un emballage réutilisable ou recyclage. Et là, il y a une petite précision à faire ici. Pour savoir si un plastique, par exemple, se recycle, l'emballage doit comporter le logo 1 uh-huh. à 7. Et bonne nouvelle de ce côté, donc, la Ville de Québec désormais récupère le plastique qui porte le logo 6. Okay. Et le logo 6, tu sais, ça, c'est les fameuses barquettes de champignons. Dont je parlais en espèce de sirop mousse, c'est ça? En style de plastique bleu, la barquette en plastique. Tout à fait, oui. Mais est-ce que c'est rien qu'à la Ville de Québec qu'on s'est recyclé? C'est une très bonne question, mais pour l'instant, ce que je sais, moi, à Québec, c'est nouveau. Donc, concrètement, en achetant des produits nus, donc moins emballés, on met carrément la poubelle au régime. Ben oui. Puis là, comment en faire? C'est simple, assez simple. On peut acheter des produits alimentaires en vrac ou en format familial ou directement au producteur, au marché public. Donc, on amène notre sac réutilisable puis on n'a aucun emballage autour. Ouais, ça, c'est bien. Hein? Alors, si je me rappelle bien ta définition des 3 NJ du concept d'alimentation responsable, le deuxième N signifie « non loin ». Oui. Effectivement, et ça, ce deuxième N, il vise essentiellement à réduire le transport des aliments. Mm-hmm. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais « food mile ». Il faut savoir qu'au Québec, les aliments parcourent des milliers de kilomètres avant de se retrouver dans l'assiette des consommateurs. Uh-huh. C'est vraiment énorme. J'ai pas vraiment de chiffres précis, car il y a beaucoup de références qui se contredisent, uh-huh. mais dans la littérature, on parlait environ de 2500 kilomètres du champ à l'assiette. C'est ce que j'avais déjà entendu dire, en moyenne. Exactement. Ça veut dire qu'il y en a qui sont plus proches, mais il y en a aussi qui sont plus loin. Effectivement. Donc, le terme « non loin » du concept d'alimentation responsable, lui, il réfère à l'achat de produits locaux, qui est un incitatif pour l'économie locale. Donc, le consommateur est invité à être locavore. Locavore. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça mange, ça, en hiver? Ça mange des produits locaux. Okay. Donc, selon le New Oxford American Dictionary, un locavore est une personne qui recherche de la nourriture produite localement. Mm-hmm. Et un locavore est donc avant tout une personne qui va décider de se nourrir uniquement d'aliments locaux. Uh-huh. Donc, il semble que les locavores apprécient surtout le fait de pouvoir retracer la provenance de leurs aliments et de savoir qu'ils ont parcouru une courte distance. Uh-huh. Alors, tu parles de manger local, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui caractérise le fait qu'un aliment soit considéré comme local? Puis, en fait, je m'aperçois aussi que des fois, c'est écrit États-Unis, mais ça peut être... On ne sait pas si ça vient du Maine, donc juste l'autre côté de la frontière ou de la Californie. C'est difficile des fois de s'y retrouver là-dedans. Oui, effectivement, c'est difficile. Et assez récemment, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, plus communément appelée le LACIA, a défini le terme local comme étant un mot qui est permis pour les aliments qui sont produits dans la province ou le territoire où ils sont vendus, uh-huh. ou alors dans d'autres provinces ou territoires, mais dans un rayon de 50 km du lieu d'origine. Okay. Donc, si on se fait une image, selon cette définition-là, tous les aliments produits au Québec sont considérés comme des produits locaux, uh-huh. mais ceux qui sont produits en Ontario, par exemple, et vendus au Québec, eux ne sont pas considérés comme locaux, à moins qu'ils proviennent d'une ferme ontarienne qui, elle, se situe à moins de 50 km de Québec. OK. Oui, OK, je comprends. Il y a une petite nuance. Mais, oui, puis il y a aussi un certain jugement à faire. Par exemple, si tu es à Rivière-du-Loup et tu es quand même proche du Nouveau-Brunswick, c'est peut-être plus local d'acheter au Nouveau-Brunswick que d'acheter un produit qui vient d'Outaouais aussi. Là. Vu comme ça aussi. Vu ouais. comme ça aussi. Là. Ouais. Alors, on voit dans les épiceries des produits avec des étiquettes bleues pour des produits québécois. Est-ce qu'il y a un mouvement vers l'alimentation locale présentement? Effectivement, on assiste ces dernières années à un certain engouement qui est envers les produits locaux. Selon le rapport de Tracking Nutrition Trends publié cette année, un des facteurs susceptibles d'influencer l'achat d'un aliment, en particulier par le consommateur canadien, est le fait que cet aliment-là a été produit localement. Uh-huh. Et pour 75% de la population canadienne, donc 3 Canadiens sur 4, ce facteur est une grande importance. Donc, on assiste à un phénomène d'engouement là, par rapport à l'alimentation locale. Et comment mangez-vous comment manger local, vous me direz? Eh bien, le consommateur peut repérer le logo Aliments du Québec, qui se situe sur les produits qui sont emballés, évidemment. Il peut cultiver son propre jardin ou être un membre d'un jardin communautaire. Il peut faire aussi ses achats au marché public, uh-huh. en saison, bien évidemment, parce que ça n'existe pas l'hiver, un marché public comme à Québec, mettons, ben oui, en raison de la température. Ou il peut faire part d'un projet d'agriculture soutenu par la communauté. Ça, c'est plus communément appelé le fameux panier bio. Tout à fait, c'est bien Donc, ça. Donc, c'est tout des moyens là, pour manger plus local. Mais c'est sûr aussi qu'il y a des aliments qu'on ne peut pas manger localement, comme des oranges. Ils n'en poussent pas au Québec. Donc, c'est certain que... C'est certain pour certains types d'aliments. Exactement. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement. Alors, c'est bien intéressant, cette notion de manger local, mais ça pose aussi la question de la souveraineté alimentaire du Québec. Parle-nous à présent du troisième N. Oui, le troisième N du concept d'alimentation responsable désigne naturel. Oui, le naturel. Donc, le thème naturel vise à la réduction de l'utilisation de produits chimiques au niveau de la production ainsi que de la transformation des aliments qui peuvent avoir là, de nombreuses conséquences sur l'environnement et sur la santé de la population. Oui, oui, on pense aux pesticides, là, notamment. Oui, notamment. Donc, le consommateur est invité à acheter des produits alimentaires frais qui sont peu ou pas transformés et dont la liste d'ingrédients n'est pas un roman. Quelques ingrédients seulement dans la liste et privilégier dans la mesure du possible des aliments qui sont certifiés biologiques par des organismes qui sont reconnus comme Québec vrai ou Écocert, par exemple. Oui, et finalement, si on parlait de la toute dernière lettre, le J, elle signifie juste, c'est ça? Oui, la lettre J du concept d'alimentation responsable désigne effectivement le terme juste et dans le meilleur des mondes, le terme juste le vise à rééquilibrer finalement la distribution des ressources entre les plus nantis, donc les pays du Nord, et les moins nantis de façon générale, comme les pays du Sud. L'équité finalement. Là. Oui. Mm-hmm. Une répartition des richesses et le consommateur est donc invité à encourager le commerce équitable. Donc l'objectif du commerce équitable, c'est de garantir aux producteurs un juste prix pour le travail qu'ils font. Et par juste prix, ça signifie un prix qui va couvrir les coûts de production et un prix qui va permettre de faire vivre la famille des travailleurs dans la plus grande dignité. Mm-hmm. Et en tant que consommateur averti, quel geste est-ce qu'on peut poser? Oui, en fait, le consommateur peut se renseigner sur les pratiques équitables, environnementales et humaines des compagnies multinationales agroalimentaires. De nos jours, là, c'est extrêmement facile d'avoir cette information-là avec Internet. Et aussi, il peut favoriser là, les produits alimentaires qui sont certifiés équitables par le petit logo qui est apposé sur les aliments, donc comme le logo Fairtrade, uh-huh. par exemple. Donc, si je résume rapidement là, ce qu'on vient de discuter, les 3NJ du concept d'alimentation responsable va guider le consommateur dans l'achat de produits alimentaires qui sont peu emballés, produits localement, uh-huh. peu transformés et équitables. Et comme le dit si bien mon collègue nutritionniste Bernard Lavallée, qui est l'auteur du blog Le Nutritionniste Urbain, 3 fois par jour, on a le pouvoir de voter avec notre fourchette. Donc, c'est à nous de le faire. C'est un fait, hein, parce qu'on oublie que acheter, c'est voter. Exactement, exactement. Mm-hmm. Et pour vous aider dans vos démarches de citoyens responsables, je vous invite à consulter le site internet www.mangerlocalquebec.info. Donc, c'est le portail de l'alimentation de proximité dans la communauté métropolitaine de Québec. Et ce tout nouveau portrait là, est issu d'un projet de l'Université Laval et vise à rendre le choix, les choix alimentaires responsables faciles à faire. Donc, c'est un portail qui utilise l'application Google Maps afin de situer les lieux alimentaires responsables dans la ville de Québec et les environs. Donc, par exemple, des commerces au détail, des jardins collectifs, des marchés publics, c'est très imagé. Donc, on voit vraiment les lieux précisément. Donc, laissez-vous tenter par le site. Ça vaut vraiment le détour. C'est le fun. C'est bien fait. Ben oui, et espérons, Geneviève, que le naturel reviendra au galop. Oui. Alors, merci beaucoup, Geneviève. Merci, François. Alors, on va faire une courte pause musicale avec les colocs et leur pudding à l'arsenic. Je suis pas sûr que ce soit très responsable et sécuritaire, ça. Alors, vous êtes sur CKRL au 89.1.